Le coût de la Euro-Hugs Pharma. Vous y êtes presque, camarade, annonça la voix modulée de X à travers l'oreillette. 100 mètres devant. Les tubes fluorescents filaient au-dessus de la tête de Hans et Ruby alors qu'ils se hâtaient le long du couloir interminable. Une odeur d'eau de Javel planait dans l'air, se mariant à la blancheur impeccable des murs, du plancher et des sarraux des intrus. Les civières vides entravant le corridor, les portes fermées des chambres et les panneaux lumineux de la Euro-Hugs Pharma se succédaient. Ça et là, un pot de fleurs en plastique. Discrètement, Ruby porta l'inhalateur de V à ses lèvres rougissant, pressa la pompe, insuffla une dose dans ses poumons. La pâleur mortuaire de sa peau se fondait au mur, contrastant seulement avec ses paupières mauves. « T'es certaine que c'est une bonne idée de prendre ça ?» vociféra Hans, les nerfs à vif. Il serra la poignée de la mallette chromée pour se réconforter, réalisa que sa main tremblait. « Allez !» chantonna Ruby. « Et toi qui dis toujours qu'on a besoin d'un edge, je te laisse tirer un coup si tu veux. » Chacune de leurs bottes foulait le plancher ciré avec véhémence. Au même rythme, une fausse carte d'identité se dandinait depuis la poche du manteau de laboratoire. Pendant ce temps, une voix féminine annonçait un message indistinct à l'interphone. « Voilà le monte-charge sur votre droite !» entrecoupa X. « Quand vous voulez !» Quand la grille de l'ascenseur de service se ferma derrière eux, Anne se s'empressa de déposer la mallette et se frotta les mains pour essayer de les stabiliser. Il prit une grande respiration, secoua la tête. « Ça va ?» s'enquit X depuis l'oreillette. « Ruby, est-ce que tout va bien ?» Pris de vertige, Anne s'appuya contre la paroi. « Calice !» grommela-t-il. C'était le point pivot de son plan, le « edge », la force qui pouvait tout faire basculer, dans un sens comme dans l'autre. Tout reposait sur eux. Hans ne devait pas être là. Sa cellule, avec Svet et Nilsin, devait faire diversion à l'autre bout de la ville. Mais X devait rester cloué à sa console, laissant Ruby seule pour aller sur le terrain, ce qui était tout sauf une bonne idée. Après tout, le M9A avait tracé une route tortueuse à force de coups et d'assauts d'une précision chirurgicale pour permettre cette opération-là. C'était le goulot de la bouteille. Alors Hans s'était retrouvé exactement dans la position qu'il redoutait. Un coup aux enjeux trop élevés, avec une personne qui ne faisait pas partie de son groupe d'affinité. Et pas n'importe qui. « Oh, je sais pas !» répondit-elle cyniquement. « On dirait que notre grand visionnaire est sur le point de spiouquer dessus. Juste une seconde, OK ?» Elle déboutonna son sarrau rapidement, révélant une veste pare-balles, une bretelle de son soutien-gorge retombant lâchement sur une de ses épaules, juste au-dessus du pick-line. Plus bas, on pouvait voir les flocons de neige tatoués sur ses bras, une jupe cramoisie, les veines noires de ses cuisses blanches, ses bottes à cap lacées jusqu'aux genoux. Une machette pendait à sa ceinture. « Fais pas cette tête-là !» lança-t-elle finalement à Hans, les pupilles dilatées par la drogue. « Espèce de drama queen ! Fais-moi confiance ! J'ai passé ma vie dans des endroits comme ceux-là. 5 minutes te tueront pas. » Sans attendre qu'il reprenne ses esprits, Ruby pressa le bouton du monte-charge. Automatiquement, l'ascenseur de service commença son ascension. « 30 secondes !» somma X. « Top chrono !» Hans avala sa salive, incrédule. Toujours trop tard pour reculer. Quelque chose dans la gravité de la situation venait simultanément nier et valider ses appréhensions. Le mouvement implacable, mécanique, confirmant d'abord que tout cela était réel et, ensuite, que c'était probablement la fin de tout. La liberté, la cause, la vie. « Showtime! » insista Ruby, s'agenouillant pour ouvrir la mallette. La sueur au front, Anne se grogna, se mordit la lèvre. Frénétiquement, il se débarrassa de son sarrau, ajusta sa veste par balle et s'accroupit près de Ruby. « 15 secondes, » compta X. « Je coupe le fil de sécurité, les caméras. Vous aurez 2 minutes avant que le second système vienne en ligne. Balaboum! » Ruby et Hans s'armèrent chacun d'un MC-10, une petite mitraillette carrée, le genre de rafaleuse qu'on pouvait prendre à une main. Ils enfilèrent chacun un masque à gaz et saisirent une canette de CS, un gaz lacrymogène. Côte à côte, ils attendaient l'inévitable, inspirant difficilement à travers le filtre usé, expirant par la valve. Lorsque les portes du monte-charge s'ouvrirent, le chaos les attendait déjà au dernier étage de la UO Hugs Pharma. Les lumières d'alarme clignotaient du plafond, rouges et jaunes, tandis qu'un grincement incohérent oscillait depuis les haut-parleurs torturés. Des directives d'urgence issues d'un système à moitié grillé par les bons soins d'X. Une foule de bio-ingénieurs en sarrau se bousculait entre les tables et les cubicules. Des chaises renversées, des papiers virevoltant dans tous les sens, autant de fragments de tasses et de flaques de café latté parsemés sur le plancher. Immédiatement, Hans et Ruby lancèrent leurs grenades lacrymogènes et pénétrèrent dans le laboratoire, mitraillettes au poing. Aussitôt que la brume toxique jaillit, des hurlements surgirent de partout. Les murs des cubicules furent renversés, les techniciens déguerpissaient par-dessus les tables et les ordinateurs, piétinant jusqu'à leurs collègues pour s'échapper. Hans et Ruby avancèrent d'un pas résolu à travers le laboratoire pour rejoindre le centre nerveux de la UO Hugs Pharma. Là, le sas de décontamination de la section restreinte. Lorsqu'un garde émergea subitement à travers la fumée, s'interposant devant les intrus, la surprise était telle sur son visage, tordu par la toux, qu'il s'arrêta net. Son pistolet n'était même pas dégainé. Les synapses aiguisées par la V, Ruby visa nonchalamment et laissa filer une salve aveuglante. Le garde trébucha sur une poubelle avant de s'effondrer, déchiqueté, une nuée de sang éclatant contre la vitre du sas. « X !» cria Ruby, sa voix atténuée à travers le masque et les sirènes. « Déverrouillé !» répondit le hacker. Sans hésiter, Hans et Ruby filèrent à travers le sas pour émerger dans la salle d'expérimentation. D'autres bureaux les attendaient, des salles d'observation, des moniteurs, tous baignés dans la lumière écarlate des gyrophares. « Fuck !» lança Ruby, les nerfs rongés. « Il est où ? Où ?»« Pas loin !» rassura X. « Fouille un peu, je scanne. »« Couvre-moi !» cracha Ruby à Hans. On entendait toujours des râlements à travers la fumée. L'étage fourmillait de bio-ingénieurs qui suffoquaient dans les larmes et la morve. Grognant à travers la valve d'expiration, Anne se renversa une table en travers du sas et s'accroupit derrière, en mire. Ses mains tremblaient dangereusement lorsque 3 gardes firent soudainement irruption par-delà les cubicules et la brume, équipés de masques à gaz militaires. Hans pressa la gâchette sans réfléchir, balayant à l'aveuglette. Il entendit quelqu'un hurler et réalisa que c'était lui. Le MC-10 cracha une rafale de plomb et de feu, menaçant de lui casser le poignet. Le canon vomit salve après salve dans un cri de métal assourdissant. Une fois le chargeur vide, Hans se réfugia derrière la table, rechargea. Mais lorsqu'il sortit la tête, pointant sa mitraillette, il ne restait plus que des cadavres, de la fumée et des vitres concassées. « Shit, shit, shit !» maugréa Ruby derrière lui. Hans se retourna, abasourdi. Ruby se tenait derrière une civière où était couché un vieillard blême, le crâne rasé, vêtu d'une jaquette bleutée. Une 12aine de tubes étaient reliés à ses veines, son nez, sa bouche, matériel médical propre aux patients dans le coma, cliniquement mort. Mais plus étrange était ce câble électronique, serpentant depuis sa nuque, fixé à travers les points de suture d'une plaie chirurgicale. « Ah ben, sacrement !» fit Ruby en dégainant sa machette, la longue lame luisant dans les gyrophares. « L'implant est encore attaché !»